ça. Yeah. On me dit souvent qu'est-ce t'as mec, t'es tendu comme un string. Me parler plus de peurage rêve d'être répandu comme un stream. Ouais j'ai pris une ride, j'ai fait un fils mais la rime reste intacte. J'ai fait un flop sans faire un disque, j'ai la finesse d'un tas. Type qu'on pas su dire, abasourdi, je vais t'enrouler sur ce titre. Un pas sur 10, tu sors ta langue, tu t'es loupé, sus bip. Ouais puis ma commune, c'est un igloo, mon 130 c'est le pôle nord. Tu m'as reconnu, c'est Daminou quand je redonne mes sommores. En plus je peux pas te sentir, putain tu sais que je suis genre te béca du nez. T'approches pas trop, tu verras des chandeliers s'allumer, laisse. Je verrai un jour ces rancuniers me saluer. Merci à ceux qui m'ont snobé, bande d'enculés, ça tué, ya. Je serai pas le rappeur préféré de ta copine, t'as compris. Mais sûrement le plus sous-côté de ta compile. J'accomplis le taf, toi t'as pris les choses à la légère. Hey. Y'a ton The Blah dans le 10 notes ABR. On m'a dit phone, c'est fait du son, faut que ça se faufile dans toutes les salles. Faut faire en sorte que ça fasse mouche et c'est pour ça qu'on fait du sale, frérot. Que ça résonne et que ça s'éteint jusqu'ici. Phénoménal, avoue que ça tue, poto, fais pas le difficile. Je tourne pas l'œil devant une garce qui papillonne avec des fossiles. Eh, hey, tu me reconnais dans le nouveau rap, je suis comme un fossile. On se pose, on refait le monde et c'est pour pas tous briller. Ce qui t'affaiblit te rend plus fort et tâche de pas l'oublier. Aigri comme un parisien, en bas de l'échelle, on part de rien. On fait des jungles avec la chance qui, comme toujours, s'en va et vient. Alors. Une heure qui passe vaut de l'or. Amnésique, mes jours passés en coulaient comme de l'eau. On tombe de haut, mais tout est passé dès lors. On retransmet nos joies, nos peines avec des tonnes de mots. Tout est froid, j'entends des voix comme dans une caisse de résonance. On boit un coup, enlève nos verres, trinqué au nom de mon insolence. Cette phase est pour les miens et c'est comme ça si souvent. Entouré tous au bout du compte, je filerai seul face au vent. Voilà. On se connaît pas ou peu, mais on est hip-hop connecté. Appelle-moi terroriste en mode subversivité. Y'a deux phases, la vie, la mort. Le lien, c'est la soudaineté. Incorruptible, je me bats pour ma souveraineté. Le rap perd son ADN et fuck ton délire transgenre. On joue pas dans la même cour et je vois se pervertir un art. Passer de revendicatif au tube infantilisant. Le côté obscur maquille, les vitrines alléchantes. Hyperconnect, moi et petit prince, on se partage la batterie. Si je lui apprends la combine, peut-être il braquera la matrice. Lève la tête, l'horizon, nos désirs assouvir. La nuit, je rêve pas de zik, je finirai pas sous vide. Tu m'as croisé bras dessus, bras dessous, jolie pépite et verre trempé. Ou la barre de 30 jours, flemmard sur la tranchée. Colère immense ou radicale. Pourtant grave je t'en perds, nos différents on acceptera pour que le café se boive t'en paix. Jamais su mettre en avant, souvent en retrait à Croix Beans. Hey, Croix Beans est déjà déçu de l'être en avant, s'arrêter là. Dans le fond c'est ce qu'ils préconisent. Faudrait que s'arrêtent les larmes, nous c'est lorsqu'on s'estime prêt qu'on mise. Trop de pain chorale, on reste calé, rien âge et chante. On se plaint qu'on rame quand t'es galé, rien âge et chante. On court après ce qu'on a, même quand on sait que c'est à nos pieds, n'a que pour attrer ce qu'on a. Mais tentons de cesser de galoper quand des pleurs acides se mettent en joue. On y verse des rafales, on le déplore ainsi, c'était en le jour. L'hiver se à femme, on se presse dans tes zonages et dans tout ce que nous taisons. La gêne dans le but traverser la mer qui nous oppresse en tes zonages et dans période sombre. Trop me disent quand les quittes ratus, trop distant quand j'y puise. Le pont dans les petites ratures, c'est vrai, j'ai vieilli, me crispe, n'y vois pas que le vémo. Ma vie, une crise quand tu veux pas te lever, môme. Interminable, mais j'ai pris le bus à temps. Au prochain terminal, tu veux terner l'image avec plein de trucs pas tendres. Mauvaise pensée sinale, une rue gorgée de passants. Quand t'as plus de patience à se faire du mal sous une pluie glaçante. Et tant qu'on s'y sent bien, le peu d'espace ira. Auprès des miens, un peu de place, est-ce qu'elle suffira? Ce que tu gardes en toi de terrasse, quand tu parles c'est rare. J'ai plus pirage, mais garde là et plus je m'obstine et plus la feuille est blanche. Tire sur la corde, elle paraît sensible. Sous l'éclairage, une brume intense, la perte sera. Je guette cela, mais ces temps-ci, plus t'avances et plus t'attrapes. Gros, faut que tu t'échappes. Ça devienne avant quand tu te battras pour la plus folle des chattes. Je fais des choix aux conséquences multiples. Y'a comme un voile sur ma tête, et encore faut que tu le piges. Éternel recommencement, ouais. Je prendrai plus première venue pour pansement. J'écris souvent de tristes thèmes, ça me brise peut-être. Pour l'instant, c'est quoi, je m'éloigne des fils de thèmes sans prise de tête. J'entends ces voix débrancher moi, je pensais quand c'est dans des lois. Je pouvais changer, ranger le temps, j'ai dans des pensées noires. Ça crame des 16 et des excès de colère, on sait que c'est polaire. Ce soir, ce vent glacial emporte ma voix pour éprêcher le tonnerre. L'alcool et ses méfaits, l'école et ses essais qui comprennent pas que des décès étaient la cause de mes échecs scolaires. J'aime le polaire et plus le tonnerre. Et rappelez-moi ces menaçons, le rap et moi une relation épistolaire. Chez nous la nuit c'est clair que quand la foudre ça va tout près. J'étais pas tout presque, j'ai pas tout prévu comme couler de ce bateau de pêche. T'espérais mieux dans la trentaine quand le siège se vide. Du feu dans la tempête, ferme les yeux, le chant des sirènes te guide. J'fais pas des sons dansant, moi j'rappe la vie la vraie. J'vois toute la ville à terre et même dans un palais j'rendrai la ville à terre. Pousse les basses, faut que la France entière elle balise. Le son est grave, ça sort de la cave. Tu nous testes, on te tannes, tu contestes, on te canne. Y'a que des sons comme ça, les macabres sont bouche bée. Pousse les basses, faut que la France entière elle balise. Le son est grave, ça sort de la cave. Tu nous testes, on te tannes, tu contestes, on te canne. Y'a que des sons comme ça, dans mon crew, crew, crew, crew, crew. Dans mon crew, crew, crew, crew, crew. Dans mon crew, crew, crew, crew, crew, crew. Dans mon crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, crew, cr mon crew, crew, crew, crew.